100% francês com Ricardo de Matos. Boa tarde e bem-vindos, o 100% francês, como habitualmente, a trazer um clássico da pop francesa para o início, no caso France Gall, em 1987, Babacar.

la folie à scandale. Vous y verrez la raison. Venez dans mon hôpital qui fait peur. fr.blogspot.com 100% francês com Ricardo de Matos. Se font comme un É um ícone da música dos anos 80 em França, Daniel Balavoine no Palais des Sports em 84, com mais um dos registros que nunca caíram no esquecimento, este Dieu que c'est beau. Vamos à segunda estreia da semana com o álbum Pacifique da 131. Rafael regressa com o já habitual carimbo de qualidade que já o caracteriza para descontrair agora no bar de l'hôtel. D'où vient le vent du matin? Que le jour chasse son chemin. Où s'en vont les poussières qui brûlent nos yeux, nous troublent la vue et nous rendent amoureux. Des plumes dans les cheveux et rien dans les mains. Se coudre les paupières pour ne plus voir rien. C'est dans ma nature, c'est dans mon sang. Un poison violent mélange de mes parents. Est-ce mon squelette au bar de l'hôtel? Est-ce ma toilette faite au scalpel? Est-ce que ce sont mes effets aux enchères? Et cette détresse que je paye bien cher? Pour combien tu m'aimes? Combien tu me quittes, tu me tiens en laisse, tu me laisses quitte. D'où vient que je t'aimais avant? D'où vient le hockey, comment tombe la pluie? Combien coûte le bonheur d'une seule nuit? Comment sommes-nous arrivés ici? Qui a fait les océans et les cœurs brûlés? La colonne et le cou ne cessent de marcher. Est-ce que tout peut pourrir même ce qui a de plus doux? On nous jette des fleurs ou bien des cailloux. Est-ce mon squelette au bar de l'hôtel? Est-ce ma toilette faite au scalpel? Est-ce mon souvenir aux enchères? Et cette détresse que je paye si cher? Pour combien tu m'aimes? Pour combien tu me laisses? Tu me tiens en laisse, tu me laisses quitter. Ce n'est que moi, ce n'est que moi. Une espèce disparue, une espèce menacée. Ce n'est que moi, ce n'est que moi. Ce n'est que moi, ce n'est que moi. 100% francês a recuperar o trabalho Rendez-vous un jour, de Julie Rey. Não foi rainha por um dia, mas não foi muito mais do que isso que o seu trabalho se prolongou no tempo. Por aqui, contrariamos essa tendência através deste L'Enfance en bandolière. A próxima dupla dá um ar muito natura e podiam bem ser membros do Greenpeace, por exemplo. O canadiano Justin Ozuka a convidar a Angelina Zhao para este Heartless. Promise not to leave, I said I'd never disappear. She knows I'll come back someday. Crying in the bathroom as the mirror disappears. Holding on to fading moments. Oh mama, I think I did it again. I got lost in the wind again. Oh mama, I think I did it again. I got lost in the wind. J'avais rien qui te blesse. 100% francês. Rien que de l'eau foi um hit de 1992 de Véronique Sanson e que ainda hoje se ouve com bastante frequência nas rádios francófonas. E já há algum tempo que nenhum artista francófono fazia anos a um domingo. É, acontece hoje, o 100% francês dá parabéns a uma belga que é bem conhecida até dos menos francófonos. Já vai saber quem é para já, os irmãos Archimède, o Diable Vauvert. Jusqu'alors elle t'a pas loupé la vie, quand bien même. Esquintée quand les mots nous manquaient, tu laisses compter le bonheur au grand air.

Lara Fabian, Ne lui parlez plus d'elle. 2005. Pour sortir d'un tout qui n'est rien, il prend son courage par la main, en découvrant le mal qu'elle lui faisait pour son bien. Il a perdu tous ses rêves en chemin, sans être ni frère ni ami. Il s'était promis toute une vie. Elle voulait lui faire un enfant. C'était du faux, c'était du vent. Elle inventait la vérité. Il se déchire comme du papier. Il n'existe pas une armure.